27 octobre, lecture pour la mémoire de Ziad et Bouna, et pour qu'on n'oublie pas. Ici, c'est un texte qui relate toute l'histoire autour de leur mort, et que j'ai trouvé sur rébellion.info. Rébellion, ça s'écrit REBLYON, et point info. 27 octobre 2005. Ziad et Bouna sont assassinés par la police. Le 27 octobre 2005, Bouna et Ziad meurent électrocutés alors qu'ils fuient un contrôle de police. Les émeutes embrasent Clichy-sous-Bois, puis d'autres quartiers en France. L'État met en place un couvre-feu. Des méthodes dignes d'un État colonial se multiplient, sans que la majorité de la population extérieure à ces quartiers ne réagisse à la répression qui se déchaîne. Contre une population stigmatisée et humiliée quotidiennement. Les magistrats jugent plus sévèrement les fauteurs de troubles de ces quartiers populaires plutôt que les auteurs de violences étatiques, complices d'un système qui creuse les inégalités et dresse les individus les uns contre les autres. Le jugement des policiers est continuellement reporté, tandis que des jeunes sont incarcérés sans preuve. 5 ans plus tard, en octobre 2010, 2 policiers étaient renvoyés par les juges d'instruction chargés de l'enquête devant le tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en danger. Mais le parquet de Bobigny fait appel. Suivant les réquisitions du parquet qui estime que les 2 policiers n'avaient pas eu connaissance de la réalité du danger, la cour d'appel de Paris a prononcé un non-lieu en avril 2011. La famille avait alors fait appel du non-lieu. L'examen du non-lieu devant le tribunal correctionnel de la région parisienne aura finalement lieu le 3 octobre 2012. Il sera justement question, dans le débat de la Cour de cassation, de l'égalité de traitement de la police envers les personnes. La question de la différence de traitement entre ceux qu'ils jugent comme suspects et envers qui ils sont menaçants, et ceux à qui ils font peur, qui ne sont pas perçus comme une menace et qu'ils ne menacent jamais. Iront-ils jusqu'à admettre qu'ils ont le droit de risquer la vie ou de donner la mort aux personnes qu'ils jugent suspectes? La justice admettrait donc que la police jouit d'un permis de tuer certaines populations, celles des quartiers écrasés par la domination raciale et économique. Bouna et Ziad ne sont pas morts pour rien, comme ils n'ont pas été tués pour rien. Les morts impliquant la police sont loin d'être accidentelles. L'action de la police engendre des morts, car ses fonctionnaires sont formés à la haine de ceux qu'on leur présente comme des sous-hommes, mais aussi car la police est nécessaire au maintien de l'ordre social violent et inégal. Ce souvenir de Ziad et Bouna, comme celui de toutes les autres victimes de la police, est gravé dans le corps et la tête de beaucoup d'entre nous. Ils tuent nos frères. Ne les laissons pas enterrer leur mémoire. Notre devoir est de ne pas taire la souffrance engendrée par leurs agissements, de trouver les moyens de combattre leur violence et surtout de ne pas laisser dans l'oubli ceux qu'ils aimeraient morts pour rien. Cette année encore, rendons hommage à Bouna et Ziad, à tous les autres tués par ou à cause de la police, et aux frères enfermés pour rien dans une révolte légitime. Le procès des 2 policiers poursuivis pour la mort deux adolescents dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois en octobre 2005 aura lieu du 16 au 25 mars 2015, a indiqué lundi le procureur de la République de Rennes. Etc, etc, etc. On sait depuis que la relax a été définitivement entendue. Voilà, c'était un appel que je croyais publier le 27 octobre 2017, mais apparemment il date d'avant, et que j'ai trouvé sur le site rebellion.info. Vous aurez les liens dans la description des lectures.